Dans ton nom de Jésus, au milieu de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au milieu de tes enfants. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance, principauté, autorité, quelle qu'en soit ta provenance. Au nom de Jésus, je te commande de sortir. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père. Père. Père. 와! 자! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아!

Oh.

Quitte son ventre. Je vais lui donner à cette dame si elle boit. Tu dis qu'il n'essaie même pas de me désigner ici aujourd'hui.